Ceci est un audio généré issu de l'article Alstom « Comment un fleuron français a changé de camp » disponible sur le site conspiracte.com. Les sources utilisées sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. Un thriller industriel bien réel. Dans cet article, on va remonter le fil de l'affaire Alstom, comment un fleuron stratégique français s'est retrouvé sous pavillon américain, quel rôle ont joué la justice des États-Unis, les banques d'affaires et Emmanuel Macron, et comment cette histoire explosive continue de hanter notre souveraineté industrielle. Il y a des histoires industrielles qui ressemblent à des thrillers politiques. Alstom, c'est exactement ça. Pendant des décennies, le groupe a participé à l'indépendance énergétique et nucléaire de la France, en équipant nos centrales et notre armée. Et puis, en 2014, tout bascule, la branche énergie chez General Electric. Sur le papier, un deal industriel. Dans les coulisses, une affaire de guerre économique et de choix politiques lourds. Alstom, symbole national sous pression. Alstom, un pilier de l'énergie et de la défense. Pour comprendre le choc du rachat, il faut voir ce que représentait Alstom Energy pour la France. Ce n'était pas une boîte comme les autres. Alstom fournissait la partie conventionnelle de la majorité des réacteurs nucléaires français et participait à l'entretien du parc. Le groupe équipait aussi des infrastructures militaires symboliques, comme le porte-avions Charles de Gaulle et certains sous-marins, avec ses turbines. Sous enquête américaine, l'étau se resserre. Au début des années 2010, tout se complique. Alstom se retrouve visé par le Department of Justice américain pour des affaires de corruption à l'international. En 2014, l'entreprise accepte une amende de 772 millions de dollars, un choc pour une trésorerie déjà fragile. Un dirigeant, Frédéric Piruxi, est arrêté à sa descente d'avion. Dans son livre « Le piège américain », il raconte comment la justice américaine a été utilisée comme une arme de pression. Selon lui, le Foreign Corrupt Practice Act sert aussi à pousser certaines entreprises à se vendre à des groupes américains, sous la menace judiciaire. Résultat, la direction d'Alstom se retrouve face à un dilemme violent, avec une amende énorme, un cash flow qui se dégrade et un avenir bouché. C'est dans ce contexte explosif que General Electric arrive avec une offre de rachat massive pour la branche énergie. Pour certains, c'est la seule porte de sortie. Pour d'autres, c'est le début d'une perte de contrôle total. Ce qui s'est joué entre État, banque et Élysée. Un cadre légal, mal utilisé. Normalement, quand une entreprise stratégique est vendue à un acteur étranger, l'État français a un droit de regard. Le ministre de l'Économie doit autoriser ou bloquer. Mais dans l'affaire Alstom, plusieurs rapports expliquent que ce dispositif n'a pas joué à plein. La commission d'enquête parlementaire évoque une forme de faillite de l'État stratège. Dès 2012, une étude est commandée sur l'avenir d'Alstom, alors que la vente ne sera officiellement révélée que bien plus tard. Certains, au sommet de l'État, semblent donc anticiper un scénario de cession. Macron, banque d'affaires et réseau d'influence. À cette époque, Emmanuel Macron arrive de la banque Rothschild. Il devient d'abord secrétaire général adjoint à l'Élysée, puis ministre de l'économie au moment clé. Des enquêtes parlementaires et médiatiques montrent que l'exécutif valide la transaction avec General Electric, malgré les risques pour la souveraineté industrielle. Le deal repose sur un montage complexe, co-entreprise, garantie, promesse d'emploi. Sur le moment, tout ça sert à rassurer. Après coup, beaucoup parlent plutôt d'illusions bien emballées. Des experts en intelligence économique évoquent une guerre économique et une neutralisation des contre-pouvoirs, entre lobbying du massif, communication et honoraires colossaux pour les banques d'affaires. Le témoignage de Piruxi, avec son arrestation et sa détention, donne à l'ensemble un côté presque irréel, mais documenté, qui renforce l'idée que cette vente n'a rien d'une simple opération de marché. Après la vente, emploi, souveraineté et désillusion. Promesse d'emploi et casse sociale. Au moment de la vente, General Electric promet de créer 1000 emplois en France. C'est l'argument vitrine. Quelques années plus tard, le constat est à l'inverse, promesses non tenues et milliers de postes supprimés, notamment à Delfort. L'État sanctionne GE pour non-respect de ses engagements, mais ça n'efface ni les emplois perdus ni la perte de compétences. Souveraineté énergétique et nucléaire abîmée. La vente fait sortir du giron français des savoir-faire clés en turbines et en équipements pour centrales nucléaires. Pendant plusieurs années, une partie de l'entretien et des technologies critiques dépend de General Electric, groupe américain. Plus tard, EDF rachète les turbines Aradel et une large partie des activités nucléaires de GE Steam Power, ce qui permet un retour partiel sous contrôle français, mais après un détour coûteux. Pour beaucoup, Alstom reste le symbole d'une souveraineté industrielle abîmée, même si une partie du nucléaire a été reprise en main par EDF. Du choc Alstom au réveil sur la souveraineté. La crise Covid comme électrochoc. Pendant longtemps, le discours officiel vantait la mondialisation sans frontières et les investisseurs sans passeport. L'affaire Alstom fissure déjà ce récit, mais c'est la crise du Covid qui achève de le faire exposer, en montrant la dépendance du pays sur des produits essentiels. Masques, médicaments, équipements, tout manque ou presque. La question de la souveraineté industrielle gagne d'un coup le débat public. Le retour du patriotisme économique. Rapports, tribunes et analyses se multiplient pour défendre l'idée qu'un pays doit protéger certains secteurs stratégiques. L'affaire Alstom est régulièrement citée comme ce qu'il ne faut plus refaire, laisser partir un acteur clé sans vision de long terme. On reparle de patriotisme économique, de relocalisation et de contrôle plus strict des investissements étrangers. Les leçons de l'affaire Alstom. L'histoire d'Alstom fait mal, mais elle sert aussi de réveil brutal. Elle montre ce qui se passe quand on oublie de défendre l'intérêt national. Des témoignages, des rapports et des enquêtes ont mis au jour les failles du système. Ils donnent des pistes pour éviter de revivre le même scénario. Aujourd'hui, des plans de réindustrialisation et des politiques de souveraineté montrent qu'un mouvement est lancé, même s'il reste fragile. Au fond, l'affaire Alstom rappelle une chose, si un pays ne protège à lui-même ses actifs stratégiques, personne ne le fera. Mais rien n'empêche de reprendre la main, et c'est peut-être là la vraie note d'espoir.